Cette chanson s'appelle le bipolaire, le borderline, le français, ou peut-être que ça vient d'Amérique. En tout cas, c'est le bipolaire à base de neurolyptique. En retard au travail, cela se complique. Tu es nerveux, ta femme te quitte. Tu galères tous les fins de mois, tu n'as plus de fric. Tu manques de force, tu deviens égocentrique. Des hypos polytox à base de neuroleptiques. Ta voiture tombe en panne, cela devient diabolique. Tu cherches à changer d'air, tu vas en ville dans les parcs publics. Il n'y a rien à faire, cela devient quantique. Tu marches seul dans la panique. Tu polytox à base de neurolyptiques. T'es un zombie, tu fumes, tu manges, tu deviens alcoolique. Plus rien ne t'arrête, tu consultes des psys, c'est thérapeutique. Entre Xanax, Valium et toute la clinique. Sans oublier le Xépillion, tu rentres chez toi, c'est fardélique. Polytox à base de neurolyptique. Tu mélanges les médocs, tel un alchimiste transformé en alambic. D'une dépression passagère, tu deviens bipolaire, excentrique. Les gens se suivent, tu te suis. Dans ce monde, tu te sens si atypique. Excuse-moi, des polytox à base de morphine neurologique. J'en passe. En France, c'est tout automatique. Dans le miroir, ton reflet est statique. Tes yeux vides, ton sourire plastique. Tu cherches l'échappatoire, un miracle logique. Mais la réalité est là, tout elle est tragique. Des polytox à base de neuroleptiques. Chaque pilule, promesse magique, pour apaiser un esprit trop chaotique. Mais la guérison semble toujours aussi baptique. Dans cette quête, tout ça si héroïque. Ha! Bipolaire, polytox à base de neuroleptiques. Ton voisin te critique, même lui, ha, il est addict. Tu passes par toutes les émotions, cela devient nostalgique. Prise de coke, prise de trip. Entre deux sommeils, tu as ton corps en triptyque. Dans la rue, ton pas est erratique. Chaque jour, une lutte, un combat politique. Contre les démons, contre l'habitude cynique. Dans l'espoir d'un lendemain moins cryptique. Pour une tox à base de neurolyptique. Et regarde les autres, parfois sympathique. Souvent jugé, mais trop critique. Cherche la paix, un monde moins chaotique. On comprend ta douleur, ton combat épique. Ouah, bipolaire, polytox à base de neurolytique. Dans un tourbillon, tu restes stoïque. Face à la tempête, un rock mélancolique. Cherchons la lumière, la future idyllique. Dans la sortie de l'ombre, une dilette métaphysique. Déterminé, polytox, sous neuroleptique. L'espoir persiste, il est intrinsèque dans chaque rêve. Tu trouves la musique, un rythme pour avancer, un pas authentique vers un demain où tu seras moins chimique. Quoi, c'est politique, c'est bipolaire, polytox, à base de morphinique. C'est politique, moi je te le dis. MK-Ultra. Ouais, c'est bipolaire, le bipolaire français ou la France bipolaire. On trouve enfermé la futilité. Ils peuvent t'assassiner, ils t'assassinent. Un coup de morphine, un coup de... Ce serait que plus. Enfin, si les sorciers demandent de l'HP, il y en a peut-être qui sont bien. Mais ça manque de moyens. Allez, vive la France et vive la chimie. Même dans les cloques, il y a du métal. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses, tu es contrôlé. Papier, mon papier, monsieur. Contrôle moral.